Mais oui, nous y sommes, en direct, live, dans le poste de radio. Ah oui? Bonjour, bonjour, c'est Cargo Cult, et plus que jamais, cette baseline qui a fait notre succès depuis quelques années maintenant. Un album, une écoute, une longue explication. La semaine dernière, nous nous régalions d'une rediffusion, celle que je consacrais à Yellow Magic Orchestra et leur sublime album Technodelic. Écoutez, on va être en droite ligne du numéro précédent, quasi téléphoné, mais nécessaire. Personnage du jour aujourd'hui, Ryuichi Sakamoto, et spécialement son album B2Unit. Alors évidemment, s'attaquer à Ryuichi Sakamoto, c'est que Discog répertorie plus de 120 albums de Ryuichi Sakamoto. 120 disques. Alors, pas des disques, certes, de lui enregistrant solo, mais aussi des collaborations avec d'autres artistes, des productions de Sakamoto lui-même sur d'autres artistes, les bandes originales de films, et tant d'autres choses. 120 disques. Et quelle carrière! En plus, une carrière, bon, et là, c'est courté prématurément. Et là, sur ces 120 disques, le premier que j'ai découvert, et je l'avoue tout de go, c'est toujours mon préféré, c'est l'album que j'ai partagé avec vous sur les ondes de Pinot et dans ce Cargo Cult spécial. Il me tient tellement à cœur. C'est bien cet album, B2Unit, de 1980. Il reste cryptique, ce disque. Il est d'une modernité, 40 ans après, qui était encore aussi désarmante et séduisante que lorsqu'on le découvre. Ne serait-ce que par sa pochette. Pochette constructiviste à la soviétique, tout est blanc et noir et blanc, et puis une grisaille affirmée sous fond de nuages industriels dans lequel flotte une usine. Typographie austère, mais tout ça aussi sur des fonds rouges qui tapent. Mais oui, oui, oui, le constructivisme soviétique et le suprématisme n'est pas loin. Claire influence, bien sûr, du groupe Yellow Magic Orchestra. On l'avait déjà dit dès, finalement, l'album technologique qu'on avait dépeint là. Mais assurément, sur ce disque de Ryuichi Sakamoto, qui paraît en 1980. C'était un an, en fait, avant Technodelic, disque aussi totalement essentiel. Hein, une charnière, un rouage absolument démentiel, à la fois stylistiquement et techniquement, sur la musique électronique. Alors, la pochette verso, elle nous montre un Sakamoto. Le cheveu défait. Une attitude défaite, elle aussi, pas le Ryuichi Sakamoto apprêté, joli, qui va arriver de suite finalement après. Alors joli, attention, il n'y a pas de moquerie là-dessus, il y a un culte de l'image chez Ryuichi Sakamoto, tout comme globalement d'ailleurs chez Yellow Magic Orchestra, qui force absolument le respect. Je reviendrai pas, bon, on a énormément parlé de Yellow Magic Orchestra la semaine dernière, et puis ces trois membres, Harumi Ozono, c'est le noyau fondateur du groupe. Et autour d'Harumi Ozono vont se coaliser deux autres gars qui vont former ce trio légendaire. Bien sûr, Ryuichi Sakamoto et Yukiro Takahashi. L'histoire est cruelle, on le sait, en janvier de cette année, en janvier 2023, meurt consécutivement, à moins d'une semaine d'intervalle, Yukiro Takahashi et 6 jours plus tard, Ryuichi Sakamoto. Tous les deux à l'âge de 71 ans. Bam. La disparition de Takahashi avait déjà secoué les fans, ça on peut l'imaginer, mais celle de Sakamoto a juste secoué totalement la planète, et bien au-delà des fans, parce que Ryuichi Sakamoto, et c'est là finalement son très grand talent, je crois qu'il ne lui en manque aucun des talents à Sakamoto, mais sa force est effectivement d'être sorti de ce noyau-là et d'avoir pu conquérir des territoires qui sont autant la bande originale de film, mais là il en est devenu un maître, on le sait bien. J'en parlerai peu aujourd'hui, hein, pour autant la citer quand même, mais ce ne serait pas le but de notre programme. Et puis plein d'autres explorations, jusqu'à une carrière de concertiste finalement, et en piano solo, qui force le respect. Mais les origines sont toujours passionnantes, et spécialement avec ce combo-là, et spécialement avec Ryuichi Sakamoto. L'album d'aujourd'hui, c'est le deuxième album de Ryuichi Sakamoto. Le premier était déjà très impressionnant, d'une maturité de production, de gestion de la musique électronique, plutôt rare pour l'époque. Mais ça, on le sait, ils sont très formés, ils sont très doués. Et c'est pas... Aucun des membres de Yellow Magic Orchestra et jamais Ryuichi Sakamoto n'ont commencé à jouer de la guitare dans un garage plus ou moins bien accordé. Ça a commencé tout de suite dans l'excellence. En fait... Sakamoto, c'est même un vrai précoce. Il apprend le piano dès l'âge préscolaire, c'est-à-dire avant d'aller à l'école. Et il est déjà amoureux des compositeurs européens, Jean-Sébastien Bach en tête, mais très vite, Claude Debussy et Ravel, les Français. Et Satie, pas très loin derrière. Le beau va pas encore à l'école. Et il est fan de Ravel et Debussy. Déjà, on est dans l'exception. Et à 11 ans, là, il va à l'école. Un élève hyper doué. Bien sûr, il fait du piano, qui m'est mieux, il est déjà excellent. Et la musique qui l'intéresse, après Ravel et Debussy, c'est celle de John Cage, celle de Yannis Xenakis. On est dans ces territoires-là. Donc, probablement assez prédestiné, les bonnes fesses sont penchées sur le berceau de Ryuichi Sakamoto. C'est l'université des beaux-arts et de la musique à Tokyo, à laquelle il va réellement s'épanouir, en tout cas scolairement, j'oserais dire, et ça c'est dès 1970. Et là, c'est la grande découverte, c'est plus le piano, c'est les explorations électroniques qui sont possibles là avec les équipements qui sont sur place, et il n'en manque pas. Déjà des synthétiseurs mythiques comme le Moog, mais aussi le Bukla. Sakamoto s'y noie, s'y perd, s'y épanouit. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est que Ryuichi Sakamoto va aussi dans ce temps-là, et dans une forme d'études finalement ethnomusicologiques plutôt affûtées, s'intéresser aux musiques indiennes et aux musiques africaines. Et ça préfigure absolument l'intérêt de Yellow Magic Orchestra et Ryuichi Sakamoto pour le futurisme et une forme d'exotisme, si vous voulez, voire une forme d'exotica retournée. Pour autant, quand arrive ce deuxième album de Ryuichi Sakamoto, je pense que le deuxième album et le troisième album de Ryuichi Sakamoto contiennent absolument tous les germes de ce que va développer Ryuichi Sakamoto après. Voilà, c'est l'hydre, si vous voulez, et toutes les tentacules vont partir de là. Alors, des tentacules qui vont partir à droite à gauche. On sait que Ryuichi Sakamoto a eu plusieurs vies. Mais il a eu plusieurs vies successives, c'est presque une évidence. Et comme je dis, on ne va pas toutes les énumérer ici, ce serait même une peine perdue. Mais il a aussi plusieurs vies parallèles. Un vrai Dr. Jekyll et Mr. Hyde, si vous voulez. Le disque d'aujourd'hui a un aspect Mr. Hyde. Déjà, la description de la pochette que j'en donnais nous montre un petit peu une forme de noirceur. On est dans ces années indus aussi, et où l'électronique est chargée d'une émotion froide. Et ma foi, le disque qu'on va écouter, il est exactement dans cette couleur-là. Mais... il y a de la lumière partout derrière cette froideur plus ou moins revendiquée. Le disque est devenu vraiment, vraiment culte, et spécialement pour un morceau, mais justement avant d'arriver à ce morceau-là, qui d'ailleurs n'était pas destiné à être culte, c'est ça qui est incroyable, le disque n'est pas facile. Alors, il n'est pas facile à tous les niveaux. C'est-à-dire que, il n'est pas facile à trouver. Du fond de ma petite Bretagne, où je m'escrimais à passer des disques sur les toutes premières radios libres, et évidemment commencer à en amasser dans les années qui précédaient, j'ai cherché ce disque avec peine jusqu'à pouvoir le trouver au prix d'un import japonais en 1980. C'est le prix de 3 disques français. C'est colossal le prix d'un disque en import japonais. C'est tout votre cadeau de Noël à vous tout seul. C'est un intérêt de bon, hein. Bien sûr, bon, s'il y a un morceau pas bien, vous dites que vous êtes fait avoir. Non, sérieusement, ça coûtait 130 francs à l'époque. Avec 130 francs, on achetait au moins 5 pizzas. Tu vois, aujourd'hui, avec une pizza, on achète 2 disques. Alors, vous voyez, c'est un bon maître étalon, le prix de la pizza, je trouve. Alors, plus sérieusement parlant, B2Unit, certes, coûte une fortune, mais c'est son contenu qui est d'une richesse absolument, absolument incroyable. Et là, j'y reviens sans plaisanter. C'est un disque qui... C'est... Je vous dis, il échappe. Il échappe. Pourquoi il échappe aux auditeurs? Alors, il est... Les titres. J'y vais pratiquement dans l'ordre. Ça va s'ouvrir avec une percussion mais électronique absolument prenante, quasi hystérique, Differencia, qui rentre dedans, quoi. Qui montre qu'il y a quelque chose de jazz, mais avec rien d'autre que des drums, et des drums elles-mêmes complètement mutantes, qui sont traversées par un esprit futuriste et industriel avec foi. C'est très court, c'est une forme d'introduction, finalement, et ça ouvre le bal à un album qui est de facture globalement instrumentale. Mais pas tout le temps, c'est-à-dire que le morceau qui suivra, lui, est une absolument magnifique ballade électronique, une forme de ballade phénoménologique, Fadness and Thoroughness, où Ryuichi Sakamoto chante. Alors il chante, il est plutôt dans une diction, mais on voit déjà, comme je l'ai dit, tous les talents Sakamoto les a, mais il y en a un qui est très fort, c'est la justesse mélodique. Et quand même Sakamoto a toujours dit que c'était ce qui avait le plus dur à trouver, la bonne mélodie, il est d'une justesse mélodique incroyable. Et ça, c'est peut-être encore plus dans les bandes originales de films, on le verra. Il mettra jamais 4 notes quand 3 suffisent. Et c'est exactement ce qu'on entendra là dans les morceaux les plus mélodiques. Mais il y a aussi des morceaux qui vont s'éloigner de la mélodie, hein, carrément. Je pense à un morceau comme Not the 6 O'Clock News. C'est sûrement le morceau le plus étrange de l'album. Il n'y a pas de bassline du tout, alors pour le peu. Il est tout en fréquence et en parasitage radio. Et de l'aveu de Sakamoto, bien plus tard, ce morceau est un clin d'œil à John Cage et son utilisation des postes radio, dont il usait de façon aléatoire dans ses compositions. Croyez-moi qu'en 1980, cité dans la musique électronique, John Cage, Ravel et Debussy en même temps, tout en ayant clairement lorgné vers une forme de dance music et, avouons-le, aussi une musique industrielle à la Throbbing Gristle. Et ne montons pas aussi, bien sûr, les papas tutélaires d'une forme de musique technologique domestique, Kraftwerk. Cette concentration et avec autant de réussite est... C'est pas qu'elle soit rare, elle est unique, elle est en train de se faire. Et encore plus chez Sakamoto lui-même que lorsque Yellow Magic Orchestra sont réunis dans un trio. Ryuichi Sakamoto, il avait montré des velléités de solo très tôt. De fait, d'ailleurs, il y a eu très tôt des tensions dans le groupe, et notamment entre le boss du groupe, Harumi Ozono, et le disciple doué, Ryuichi Sakamoto. Finalement, ça tenait beaucoup. Ça tenait un peu dans le rôle de Yukio Takahashi, lui, que de gérer les égos et la personnalité difficile des deux hommes. C'est ce qui s'est beaucoup dit, justement, sur l'album Technodelic qu'on écoutait la semaine dernière. Et tout cet album sent cette tension-là. Vous allez voir que l'album B2Unit est aussi en tension. Mais c'est pas une tension de groupe, pour le peu, et par définition, c'est une tension solitaire, c'est celle de Sakamoto lui-même. C'est un disque, bien sûr, vraiment tourmenté, à mon avis, plus que d'autres, en tout cas de manière différente, avec une forme d'élasticité dans les timbres, dans la façon dont ça parle, quoi. Il se trouve que cet album va être, et pour un titre, et donc j'y viens à ce fameux titre, c'est un classique, mais alors c'est un classique souterrain, sub-underground, et qui s'est fait finalement sur les années qui ont suivi sa parution, c'est le morceau Riot in Lagos. C'est pour ce morceau-là que j'avais entendu auparavant que je dépense 130 petits francs de mon argent de poche de l'époque à 18 ans ou 17 ans pour avoir ce disque et écouter presque jour et nuit ce morceau, ainsi que tout ce qui enrobait ce morceau. Ce titre est absolument incroyable. Et en fait, va forger à lui tout seul une forme d'esthétique, va donner une référence sur le early hip-hop et cet électro-hip-hop qui va vite arriver là, avec Afrika Bambaataa, avec les productions d'Arthur Baker, avec toute cette clique de musiciens, là, Egyptian Lover, etc. C'est les Américains et les artistes rap américains, hip-hop américains, qui vont les premiers s'emparer de la Terre 808. La fameuse Terre 808, justement, de Roland, cette fameuse batterie électronique, on l'entend pour la première fois enregistré sur un disque, sur cet album-là. Cette Terre 808, bah d'emblée, elle sonne un peu spéciale. En fait, si on veut en faire et la comparer aux autres batteries de l'électronique de l'époque, on se rend vite compte qu'elle ne sonne pas batterie, quoi. Et finalement, elle sonne un peu cheap. Et son intérêt, c'était là. Et qui va le comprendre le premier, c'est Ryuichi Sakamoto, et c'est finalement les autres japonais qui vont travailler avec ça. Et immédiatement, marquer quelque chose, une forme d'influence chez les DJ new-yorkais, pas les artistes tout de suite. Riot in Lagos, c'est vraiment typiquement le genre de morceau. On tire une balle et ça va pas là où on pensait, quoi. C'est des DJ comme Larry Levin au Paradise Garage à New York qui vont se mettre à s'enticher de ce morceau-là et le passer à mort. Pour l'histoire, ce disque de 1980 va être seulement édité en 12 inches en maxi qu'en 1983, trois ans après, avec un buzz qui se fasse comme ça très très très lentement et qui rebondit. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans le classement des 50 titres les plus importants de la dance music qu'avait dressé le Guardian, le très respectable Guardian en Angleterre, Riot in Lagos est en sixième position. Sixième position. C'est colossal. Bien sûr, tous les techno kids de Détroit ont bouffé ce morceau à qui me mieux. En fait, c'est l'une des premières échappées de dance music typiquement électronique. Il y en a eu avant, même chez Kraftwerk, m'entends pas, bien sûr, et puis des très réussis. Mais celle-ci est incroyablement, en fait, complexe, fracturée. Elle n'a rien pour retenir l'attention. Au contraire, elle est difficile, elle est exigeante. Riot in Lagos, ce n'est pas du tout un morceau easy. Riot in Lagos, c'est un... Le titre est plutôt bien suggéré. Lagos, c'est bien sûr la capitale du Nigeria. Et qu'est-ce qui est le roi de la musique de Lagos et du Nigeria à l'époque ? C'est bien sûr Fela Kuti, quoi. Fela Kuti et son inoubliable batteur, Tony Allen, qui lui invente stricto sensu cet afrobeat. C'est exactement ce qu'a voulu traduire dans Riot in Lagos Ryuichi Sakamoto, une adaptation alors totalement libre hein, finalement et très personnelle de ce qu'il ressentait par rapport à l'afrobeat. Quant à Riot in Lagos, en soi ça rappelle cet événement catastrophique où les Calcutta République, c'était la villa dans laquelle Fela hébergeait ses femmes, sa mère et ses musiciens. Donc, un domaine dans le domaine qu'il avait très humblement nommé sa république, Calcutta République, avait été agressé par la junte militaire. Ça avait été un drame. La mère de Fela lui-même s'en était trouvée défenestrée et allait succomber de ses blessures. Donc il y a ce regard porté là par Ryuichi Sakamoto sur ça. À l'issue de ça, j'ai envie de dire que le tir, il est parfait, quoi. Mais il est parfait. C'est transversal, c'est transplanétaire, c'est transgénérationnel, c'est transgenre, c'est une trans tout court. Hein. Dernier titre, dernier titre, je reviendrai après. Parce qu'il y a aussi, ça va être le début d'une collaboration qui vont s'affirmer pas mal. Il y a des collaborateurs inattendus dans ce disque-là, en fait deux, oui. Après, Sakamoto multipliera les collaborations avec Intelligence. Mais pour la première fois, il va jeter le pont vers l'Angleterre et vers un Dennis Bourvel. Dennis Bourvel va s'avérer un coproducteur, quelqu'un qui va être au mixage de Riot in Lagos, dont je parlais. Alors, Dennis Bourvel, c'est quelqu'un qui vient du dub. Hein, on est pur et dur dans ce dub de deux jeunes générations qui a quitté l'île natale, la Jamaïque, pour aller s'exprimer encore mieux en Angleterre. Et l'autre britannique, et celui-ci, peut-être que c'est le plus britannique et le plus anglais des producteurs de l'époque, c'est le génial Andy Partridge. Andy Partridge, qui est le mentor, producteur, fondateur de Ecstasy. En France, on aimait bien dire XTC pour être sûr de quoi on parle, mais enfin, évidemment, ça se prononce Ecstasy. Donc voilà, il y a un petit monde, il y a une très mini nébuleuse qui est en train de se construire sur ce disque-là, B2 Unit. S'écrivant respectivement B2 et Unit. Donc voilà, peut-être qu'il est là le lien, peut-être qu'elle est là cette première jonction. Eh bien allons-y. Merveilleux disque, plutôt court, un tout petit peu moins de 40 minutes, on se retrouve juste après. We'll be right back. Sliding to corruption, a train of thought stops all along the way. From start to goal, easy to understand. Deadness, fairness, a great deal of time. We'll be right back. Thank you. quel final. Le très glaçant et profond The End of Europe. Et c'est ce qui conclut donc, l'album Beat Unit. The End of Europe. On avait tout fait hein, de voir quelque chose de revanchard dans la position de Sakamoto. Le disque étant volontairement, volontiers en tout cas, et peut-être pas volontairement glaçant. On trouvait même que cette prophétie, The End of Europe, frôlait la déclaration de guerre. Ce qui était effectivement totalement européano-centriste, parce que c'était oublié que l'album précédent de Ryuichi Sakamoto, en fait son premier, donc avant, lui se concluait par « The End of Asia ». Par contre, ce qui est intéressant, c'est si on met en parallèle « The End of Asia » et « The End of Europe », c'est voir à quel point la sonorité a évolué entre les deux, à quel point effectivement elle est devenue totalement glaciaire sur ce titre conclusif, hein, convoquant assez habilement des références industrielles, du noise, et puis cette plasticité du son, cette gestion des basses qui est absolument incroyable. Alors, Cogestion, je m'en plaisais de dire, c'est un des deux titres de l'album qui ont été enregistrés à Londres. Donc, celui-ci, avec et coproduit par Andy Partridge. C'est étonnant parce que c'est peut-être le morceau le plus dépouillé, avec ce sonar comme ça, assez inquiétant. Mais finalement, le titre est d'un dépouillement minimaliste absolument incroyable. On frôle l'austérité, finalement. Mais il y a quand même un énorme travail et co-travail de Andy Partridge, Mr. Ecstasy, et Ryuichi Sakamoto lui-même pour ce titre enregistré à Londres. Et l'autre enregistré à Londres, bah oui, c'est celui qui est finalement devenu un petit peu le morceau tutélaire de l'album, celui qui s'en extrait pour irriguer la culture hip-hop, freestyle, électro, puis techno à qui me mieux. C'est le fameux Riot in Lagos, qui lui aussi était enregistré à Londres, quoi, et sous les auspices là de Dennis Bowell, qui apportait une forme d'instinct dub dans un mixage qui lui était formellement électro, mais on le sait, fracturé, compliqué, mais à même d'avoir retourné les dancefloors les plus pointus de la planète à l'époque, spécialement New York, hein, je vous le disais, sous l'égide de Larry Levin au Paradise Garage, mais suivi finalement par pas mal d'autres. Avec étonnamment ce post-succès, le titre lui-même est extrait pour devenir un maxi 45 tours 3 ans après sa parution, ce qui est quand même une petite paire d'années après, voire une grosse paire d'années. Et puis en définitive, ce succès post-générationnel, au moins 2 fois répété. Donc, The End of Europe, mais c'est pas du tout c'est le début de la vraie carrière de Sakamoto. J'ai envie de dire qu'elle va commencer peut-être juste après, quoi. Il va embrayer sur ses vies multiples, successives, ses vies parallèles. Il y a une première véritable éclosion de Sakamoto qui arrive avec un troisième album qui paraît après, que j'adore. J'ai failli le proposer aujourd'hui, Left Hand Dreams, parce que finalement il contient en germe beaucoup des sonorités parfois ethno qu'il utilisera dans beaucoup de ses productions, et les bandes originales de films en tête. Mais dont finalement on trouve peut-être pas la rigueur plastique de Beat Unit que j'admire par-dessus tout. Il y a un disque charnière très très intéressant, parce que The End of Europe va montrer en fait le début d'une collaboration avec l'Europe et vraiment productive, quoi. Notamment avec le chanteur David Sylvian. David Sylvian était échappé du groupe Japan, et bien nommé groupe Japan. Pas du tout japonais, on le sait, mais par contre extrêmement influencé par la musique japonaise et qui du coup a adressé, enfin Sakamoto et David Sylvian et le groupe Japan se sont comme ça envoyés des ponts et des passerelles qui ont vitalisé finalement l'un comme l'autre. Et David Sylvian a lui-même effectivement, à l'issue de ça, a connu aussi une carrière solo absolument remarquable. Donc je pense que les deux hommes s'étaient réellement trouvés là. Et il avait fait un très beau maxi qui s'appelle Bamboo Music. Tout était dit sur 2 titres assez longs qui composaient un maxi parfait. Et de là, il n'avait plus qu'à s'enchaîner finalement des véhités largement plus visibles. Et ma foi, ça viendra vite. Hein. J'ai dit que je ne parlerais pas des BO, mais évidemment, on va nommer la BO. La The One, la première, et qui reste un modèle, elle est remarquable. Celles qui suivent aussi, bien sûr. Mais pour le peu, elles seront plus formelles. Elles seront plus dans l'exercice, là... de la composition au service de film. Tandis que quand la The BO, donc il est temps de la nommer maintenant, c'est pour le film d'Oshima, Merry Christmas, Mr. Lawrence, ça avait été traduit en France par Furio. Oui, je sais, on ne sait pas encore pourquoi, mais toujours est-il que Merry Christmas, Mr. Lawrence, n'y a une BO parfaite, et un co-starring de deux égéries musicales, les pop indéboulonnables, la première David Bowie et Sakamoto lui-même. On va se quitter avec des trucs, allez. Voilà, par définition, des trucs. Ça me troisième album, Left Under Dreams, voilà, je vous enlève tout de suite des petits bouts parce que, allez, deux titres, rien que pour se faire plaisir. Et vous allez voir que ces titres-là, et là ils sortent de la noirceur un petit peu industrielle et strictement synthétique de Beat Unit, pour être dans quelque chose qui va signer une forme d'émancipation biculturelle dans laquelle Sakamoto sera toujours à l'aise. C'est-à-dire importer des sons à connotation orientale, y compris des instruments eux-mêmes orientaux. Je pense au koto, c'est un instrument à cordes pincées qui est très prolixe là-bas, les flûtes en bambou qu'on entend beaucoup, ces percussions japonaises, et non pas les importer de façon un petit peu exotique, mais en fait dresser un lien avec elles et dessiner des tissus symboliques, si vous voulez, entre le synthétique occidental et puis une forme de musique traditionnelle, mais pas ethno-singé, qui soit japonaise. Et c'est particulièrement saillant dans ces deux petites pièces que j'adore, qui font partie des deux chefs-d'œuvre, mais il y en a plusieurs, de l'album Left Under Dreams. Il y a au moins quatre titres qui sont remarquables. Là, je vous en donne deux parce que, spécialement celui-là, cette retenue et cette élégance de Sakamoto, sur une introduction qui fait plus de deux minutes, ce nuage de synthé, et qui va après, sans crier gare, se continuer avec une partition rythmique absolument incroyable, complexe et en même temps super généreuse. C'est tout Sakamoto sur deux morceaux de 4 minutes. Bonne écoute. Thank you. là. Et ben voilà. Ah, j'hésite. Vous savez quoi? Parce qu'on m'a demandé au sous-main, il y a un tube de Sakamoto, c'est celui dont on vient d'entendre les premières notes. Il y a plus d'un tube de Sakamoto. Father Knife. Father Knife, c'est sur le premier album de Sakamoto. Et ça va devenir de facto un morceau phare pour Sakamoto, un morceau phare pour Yellow Magic Orchestra, qui jouera finalement sur leur scène, notamment la tournée de 1979 mondiale, qui a été assez colossale pour le groupe et sa visibilité. C'était un de leurs morceaux titres. Repris après sur l'album BGM de 1981, acronyme de Background Music, et c'est celui-là que j'avais en sous-main, et puis repris après de façon décomposée dans de musique de film, une forme d'autocitation à laquelle Sakamoto était devenu brillant, réinterprété plusieurs fois au piano solo par Ryuichi Sakamoto lui-même, et encore récemment, dans des concerts, une série de concerts qui était faite en 2000, après la tournée avec Alvan Otto, très électronique, en 2017. Une version totalement épique à deux pianos sur un concert à Séoul. Bref, prenez le temps de trouver en ligne le nom de version plus ou moins inégal, hein, plus ou moins égal, d'ailleurs il faut admettre, de cet hyper classique, Father and Knife. Bien plus hyper classique que les morceaux qui composent Beat Unit, qui pour le peu est plus difficile, et, on peut le dire, même un peu conceptuel. Même Riot in Lagos. Et parmi toutes ces reprises, il y en a une que beaucoup pourraient penser être la plus mauvaise, et d'ailleurs ça l'est techniquement, puisque c'est une version chiptune 8 bits, qui quand même nous ferait un formidable générique de fin. Ça nous permet d'avoir finalement une petite pointe de sourire et d'ironie en cette année et fin d'année endeuillée par la disparition de Ryuichi Sakamoto en janvier 2023. C'est toujours dur de s'en remettre, croyez-nous.